J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie, mais il n'y a pas d'apparence qu'elle ait, après cela, trouvé facilement à se bien placer. Elle emportait une imputation cruelle à son honneur, de toute manière. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin, c'était un vol, et qui pis est, employé à séduire un jeune garçon. Enfin, le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de vices étaient réunis. Je ne regarde pas même la misère et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposé. Qui sait, à son âge, où le découragement de l'innocence avilie a pu la porter? Et si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre pire que moi. Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse, au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime comme s'il n'était commis que d'hier. Tant que j'ai vécu tranquille, il m'a moins tourmenté. Mais au milieu d'une vie orageuse, il m'ôte la plus douce consolation des innocents persécutés. Il me fait bien sentir ce que je crois avoir dit dans quelque ouvrage, que le remords s'endort durant un destin prospère et s'aigrit dans l'adversité. Cependant, je n'ai jamais pu prendre sur moi de décharger mon cœur de cet aveu dans le sein d'un ami. La plus étroite intimité ne me l'a jamais fait faire à personne, pas même à Madame de Varan. Tout ce que j'ai pu faire a été d'avouer que j'avais à me reprocher une action atroce, mais jamais je n'ai dit en quoi elle consistait. Ce poids est donc resté jusqu'à ce jour sans allègement sur ma conscience, et je puis dire que le désir de m'en délivrer, en quelque sorte, a beaucoup contribué à la résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions.